On donne naissance au rap offensif. Lyrics de la planète 9-4. 2000. Petit vie émerge d'une cité où l'air n'est même pas pur. L'atmosphère est impure, du reste du monde ressent la coupure. Quant au futur, moi je m'inquiète pour nos progénitures. À toute allure, les jeunes visent les grandes pointures. Divise pour mieux que règne leur dictature. Divise pour que cesse l'inégale torture. Mes aventures, on les retient sur toutes les coutures, sur tous les coups durs. Calibre à la ceinture, on devient nos villes et caricatures. Système d'or, dur, Dieu seul sait ce qu'on endure. Or, dur, les temps sont durs, ça fait un moment que ça dure. Au fur et à mesure, les jeunes pour leur sont trop matures, la fado de la violence en pleine figure. Et reçoivent éclaboussures en plus, personne nous rassure. Effet divers, notre littérature. Notre vie, pas une faute d'orthographe, mais une grosse rature. Nous sommes que ces créatures, faut bien qu'un jour nos péchés saturent. Constate à 22 piges et des courbatures. Crâne rasé comme coiffure, la mélancolie, la tristesse, chaque jour j'inaugure. Le présent, c'est déjà le passé, c'est déjà maintenant le futur. À cette allure, vous nous aurez à l'usure. N'existe pas du ghetto la cure, notre architecture. Le béton, le manque de verdure, nos écritures. On flète ce qu'on endure dans ce tableau sans peinture. À vive allure, tu connais la procédure. Faut habiter ici pour comprendre la réalité m'a sonné dès le premier rang. Chaque jour j'esquive le chaos pour pas tomber dès le second rang. Pour ça je travaille mes esquives, pour pas que le haram me touche aux gencives. Je connais ces mouvements rotatifs, ces tentatives quand ils décident. Tout ce que je sais c'est que l'hiver je m'en bats les couilles, j'arrive avec un phrasé polaire. Type bien black, il n'a pas besoin de crème solaire. Car ce qui chauffe chez moi, c'est quand tu parles de moi, toi. Et toi, quand tu me vois, tu passes une minute devant moi. Rien que tu te lamentes, toi. Comme s'il n'y avait pas pire que toi. Toi, tu joues les balèzes, pense être plus digne que toi. Ouais, gros, ton blabla, il casse la tête. Tu prends tes couilles, on en reparle en tête. Ta tête. Hardcore direct, j'emmerde la police, le système et l'état. Et cette pute de juge qui a mis 3 ans ferme à mon pote Mista. Là je dis ce que je pensais, je me sens soulagé. Vu la rage que j'ai, l'âge que j'ai. J'ai des projets, puis des clips à gros budget. Là je me sens accessible, c'est visible, non pas nuisible. Qu'est-ce que tu penses de ce que je balance? La première fois que j'ai pris le micro, c'était pour crier stop la violence. Qu'est-ce que tu peux faire dans un monde élevé de délinquants et de voyous d'animal? La France marque des points grâce à la cote à Zidane. Eh ma grande, pense tout, pense à ce qui m'emmerde. Pendant que tu me chantes ton lynchal, moi mes oreilles tu me les casses. Pense au fric que je me suis fait braquer par les impôts, la TVA. Ou encore hier soir en Turbois, que le mont aligné. Dès que je suis en BM double pied, c'est l'air tape qui me fait chier. Popa, celle-ci j'appelle pour les gars de Bamakosa. En bébé Nafalo des nofets, et ça fait chier. Mafia d'Africa, on se place pas de façon pour faire chier. Chez nous, le ghetto brille avec plus d'un pour le faire briller. Je déboule toujours du hall pour chercher le bon billet. Ta place au soleil, c'est pas ton hall qui va te l'ensoleiller. Ton âme de guerrier, ça ton hall peut te l'enseigner. Reste à l'affût de ce qui se passe, mais sois averti par ton passé. Pour ton futur. Tu rayais et les chroniques défrayées. J'ai poussé autour des bâtiments, mais pas avec les bâtiments. Je fais partie des blocs où ces mecs débloquent pour un Pascal. Chaque jour il te faut tes clopes, ta conso et puis ton casse-dalle. Le but c'est de pas faire la manche, mais d'avoir le manche du lundi au dimanche. Hardcore en avalanche, malgré l'averse d'amertume, je me sens étanche. Tu veux être le boss, prends note, encule le boss. Évite les fausses, et note, je reviens en force. Tu sens me test, et ton rap de toast. Tu crois que c'est la teuf, moi et son flow, on te prend les seuls. Combien d'M6 restent assises face à Lido? En duel dans les plus speed que mytho. Kiff, prends-en de la graine, la rime déposée. Le zoo de mille une zoot en graisse jusqu'à la nausée. Autosuffisance, mafia, XL. Ni barreau, ni barrière, ni frontière, si ce n'est le ciel. Mon rap j'enseigne, les sols saignent, vois comme mon art saigne. Cache mon son, les hommes et la mission. Body bap sur tocard. Quand je réalise, banditisme égalise, c'est pas trop. Quand je rappe, Kimbak Diab, j'oublie pas Rack. Selim du 9-4 apparaît, c'est nouveau. De l'enfant, j'ai du flair pour la rime claire. Voir Rouge Carlito fait joujou avec les gangsters. Un billard. Ouais, Jesse, ça va? Ça va tranquille, Manu ou quoi? Ouais, Mista, retour! Mista là-bas! Gros Mista d'Orléans! Bonjour, Mista! Et tout, hein, Dre, ça va? Oh, Papou, tu prends ton portable de 100 balles? Carlito, il est là, il arrive. Ouais, Carlito! Celui qui vanne sur Carlito! Qu'est-ce que tu fais, gros? Eh, Moscou! Eh, mais là, il y a Moscou dans les parages là! Ouais, Moscou! Oh, Moscou là! Eh, Moscou!